Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. C'est l'émission Forum Jeunes qui donne l'occasion aux jeunes de débattre des sujets qui les tiennent à cœur. En cette période de fin d'année, la fête est au rendez-vous, une célébration qui peut se faire en famille, entre amis ou entre collègues. Cette célébration peut être composée de deux facettes en mélangeant la joie ou la tristesse en une fraction de seconde. Aujourd'hui, on va parler des célébrations qui sont faites par les jeunes et en parlant de l'ingrédient phare qui ne peut pas manquer dans ces fêtes, c'est cet ingrédient est l'alcool. Cet alcool s'invite à toutes les tables pour donner de l'énergie ou de la vivacité à certains jeunes, comme ils aiment le dire. Consommer en soi l'alcool n'est pas un problème, mais quand cette consommation devient excessive, des problèmes peuvent surgir. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va toucher la relation qui est entre l'alcool et les jeunes en période de fête de fin d'année. Quels sont les risques qu'encourent ces jeunes? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est face à une personne qui a consommé beaucoup d'alcool? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes dans nos studios avec Divine Tuisenge, commissaire adjoint chargé de la communication au sein de l'Association des jeunes du Burundi. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Nous sommes également avec Yves Nisabgué, un jeune Burundais qui est souvent en contact avec ceux qui consomment l'alcool. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. À la présentation de cette émission, vous êtes avec Alida Ndaikeza. François Akimana assure la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Pour entrer dans le vif du sujet, Divine des guides, comment définissez-vous une consommation excessive de l'alcool ou comment vous dites qu'une personne a consommé beaucoup d'alcool? Merci beaucoup pour cette question. Dans l'Association des guides du Burundi, en synergie avec l'Association des scouts du Burundi, nous avons un programme de prévention des méfaits liés à la consommation d'alcool. Donc, dans ce programme, il y a beaucoup de modules que je ne peux pas développer à cet instant. Mais quand même, je peux vous dire qu'on parle qu'une personne a consommé excessivement de l'alcool. Quand c'est une femme, quand elle a dépassé 20 grammes d'alcool pur par jour. Et approximativement, c'est combien de verres? C'est un verre standard, mais c'est peut-être moins d'une bouteille de Primus. Le grand Donc, là. Quand on a déjà consommé une bouteille, c'est déjà l'excès. Ouais. Pour les femmes, les femmes ne doivent pas finir la bouteille de Primus. Mais les hommes... C'est seulement une seule bouteille de Primus. Donc, ça, c'est assez, c'est suffisant. Quand on a dépassé, c'est trop. Et Yves, comment, parmi tes amis, comment tu peux identifier qu'une personne a déjà consommé excessivement de l'alcool? Pour moi, vraiment, je ne saurais pas comment le définir. Parce que, étant avec telle personne ou bien telle autre, il peut te dire... Moi, par exemple, ma dose, c'est une bouteille ou bien deux. En dépassant ça, il y a des signes qui peuvent se manifester. Mais je ne sais pas dire, par exemple, telle personne, sa dose, c'est telle, ou bien l'autre, sa dose, c'est telle. Donc, ce n'est pas quelque chose que je pourrais, définir. C'est pas quelque chose qui est défini. Oui. Voilà. Et par rapport à ce que vous étiez en train de dire, Divine, donc vous avez déjà déterminé que la consommation de l'alcool pour les femmes, ça ne doit pas dépasser une bouteille. Et pour les personnes qui peuvent tenir, genre consommer au-delà d'une bouteille, c'est encore une consommation excessive. Oui. Parce que pour moi, l'excès, c'est pas devenir ivre. Non. Pour moi, c'est ce que la santé... réclame, c'est ce que la santé va faire après. Parce que dans notre santé, même si on a dépassé 5, il y a des personnes qui peuvent prendre 8 bouteilles, Oui, Amstel, il n'y a pas de problème. Mais lorsque une personne un homme a dépassé 30 grammes d'alcool pur par jour, sa santé est déjà menacée. Donc, il faut bien faire la différence entre l'ivresse et la consommation excessive. Oui, parce que l'ivresse, c'est l'état d'une personne qui a consommé excessivement. Mais il y a des personnes qui peuvent consommer excessivement, mais ne pas devenir ivres. Et concrètement, dans cette période des fêtes, avez-vous déjà remarqué qu'il y a une consommation excessive dans cette période par rapport aux autres périodes? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est dans la nature des Burundais de faire des fêtes. Donc, je crois que lorsqu'un blanc est en train de définir un Burundais, il peut dire facilement qu'on aime des fêtes. Donc, la fête est dite par l'alcool. On aime dire souvent dans notre programme que l'alcool a une place dans notre coutume, dans nos coutumes. L'alcool a une place considérable, ce qui fait que lorsqu'il y a une fête, c'est l'alcool qui est là. On doit automatiquement avoir de l'alcool là, sur table. Et Yves, cette période de fin d'année, y a-t-il une différence entre le début d'année et la fin d'année? Bon, une différence, bien sûr, il y en a, parce que souvent il y a des rencontres qui sont organisées ici et là, parce que au courant de l'année, certaines personnes sont prises par différentes activités, que ce soit le travail ou bien d'autres activités ailleurs, sans toutefois qu'ils se rencontrent avec ses amis, ses collègues, etc., avoir du temps pour pouvoir partager ce verre. Alors, on essaie d'être ensemble, d'organiser des fêtes, vu que c'est la fin de l'année, donc de se souhaiter mutuellement que l'année qui va suivre soit une année agréable pour tous. Donc, on se rencontre, on boit, et voilà, il y a la fête, etc., et la consommation de l'alcool. Donc, certainement, bien sûr, vu les fêtes de fin d'année, voilà. Divine. On sait que, donc, vous l'avez dit, que la culture burundaise nous éduque à consommer de l'alcool quand il y a la fête. Est-ce qu'il y a d'autres causes qui peuvent provoquer cette consommation, à part les fêtes? À part les fêtes, il y a les amis. Il vient de le dire. Donc, quand Yves m'invite... Aller boire une bouteille. On dit une bouteille, mais on n'est pas sûr que ça soit une bouteille. Donc, je ne peux pas manquer l'occasion. Donc, puisque Yves est mon ami, je dois répondre à cette invitation. Il y a aussi le manque de travail. C'est peut-être paradoxal, mais c'est quand même vrai. Donc, lorsqu'une personne n'a pas quoi faire, lorsqu'une personne n'est pas occupée, le temps qu'il peut trouver, c'est pour boire de l'alcool. En fait, lorsque Yves m'invite, quand j'ai pas de temps, quand j'ai affaire, je vais pas répondre à l'invitation. Mais quand il m'invite, alors que j'avais pas d'autre choix que de dormir ou de me distraire, je préfère aller boire. Directement, il y a une question qui me vient à la tête: manque d'occupation et on consomme de l'alcool. Et on pourrait se poser la question: où est-ce qu'on trouve l'argent pour consommer l'alcool alors qu'il n'y a pas de travail? Oui, bien sûr, merci pour la question. En fait, la responsabilité, je ne suis pas très sûre que j'étais sur la même table quand j'ai interpellé les parents à être responsables, vraiment responsables de leurs enfants quant à la consommation de l'alcool, parce que les parents donnent de l'argent, consciemment ou inconsciemment, à leurs enfants, l'argent de consommer de l'alcool. Et c'est pas... les garçons aiment me dire que l'argent pour consommer de l'alcool, c'est pas trop. Et ça ne veut pas dire que tu vas consommer parce que tu as 10 000 francs dans ta poche. Tu peux avoir seulement 2 600 francs pour acheter 2 bières, mais tu peux consommer 6. N'est-ce pas, Yves? Bon, c'est pas parce que dans ce genre de cas que tu viens de proposer, pas. Bon, tout en disant mon expérience, moi je peux prendre de l'alcool. Mais ce qu'elle vient de dire est peut-être vrai, parce que, étant donné que tu n'as pas de travail à faire ou bien tu n'as pas de boulot, pas de salement, bien sûr. Mm-hmm. Ça n'empêche pas que peut-être si tu es invité ou bien tu peux inviter tes amis à venir prendre un verre avec toi. Par exemple, comme elle vient de le dire, les parents peuvent donner consciemment ou inconsciemment de l'argent pour consommer. Peut-être que en donnant cet argent-là, ils ne pensent pas que l'enfant peut-être dans sa tête ou bien derrière cette idée-là qu'ils reçoivent de l'argent, ils peuvent boire de l'alcool. Eux, ils disent, quand on leur donne de l'argent de poche, est-ce que... Mais on ne sait pas si les parents demandent des comptes à leurs enfants, comment mm-hmm. ils ont utilisé cet argent qu'ils leur ont donné. Mm-hmm. Voilà. Ça, c'est un cas. Oui. Un autre cas, il peut y avoir des parents qui ne savent pas que leurs enfants consomment de l'alcool. Mm-hmm. Comment quelqu'un peut détecter que son enfant, donc un jeune, on ne parle pas de l'enfant oui. mm-hmm. trop mineur. Petit. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Comment un parent peut détecter que son enfant consomme de l'alcool oui. et surtout excessivement mm-hmm. Comment il peut détecter... Peut-être détecter les, oui. les signes, oui. voilà. Mm-hmm. Je pourrais partir d'un cas que, mm-hmm. je connais d'un parent qui était ami avec mes parents, bien sûr. Un jour, il y a eu cette discussion, bien sûr, de la consommation de l'alcool. Et mm-hmm. ce papa, comment il a détecté que son enfant consomme de l'alcool? Eh bien, un jour, son enfant est rentré d'une sortie avec ses copains avec qui il étudiait à l'école secondaire. Et du coup, il a commencé à, tu sais, quand on consomme de l'alcool, des fois, il y a, des comme je l'avais dit, des signes qui se manifestent. Mm-hmm. Et l'enfant a commencé à vomir, voilà. Mm-hmm. Et le parent, du coup, il a des voix, mon fils alors consomme de l'alcool. Mm-hmm. Ce n'est pas ça seulement. Aussi, il y a des comportements que je pourrais qualifier de bizarres mm-hmm. dans la maison. Mm-hmm. Par exemple, un comportement qui n'était pas habituel. Mm-hmm. Voilà, comme par exemple des jeunes qui font face à leurs parents. Mm-hmm. Quand les parents disent « Toi, mon fils, ou bien toi, ma fille, fais ceci. » Et l'enfant dit « Non, ce n'est pas à moi de faire ça, et tout ça. Mm-hmm. » Voilà, peut-être des signes qui se manifestent clairs et nets. Mm-hmm. Voilà, que mm-hmm. votre enfant consomme de l'alcool. Mm-hmm. Mm-hmm. Divine. On ajoute par rapport à ce que Yves est en train de dire. Comment on peut détecter qu'un enfant consomme de l'alcool, surtout excessivement? Peut-être dans cette période de fin des fêtes de fin d'année ou dans les autres jours. Comment on peut le savoir? Premièrement, je dirais il faut surveiller que les mouvements sont les mêmes. Donc, mm-hmm. qu'il a gardé les mêmes mouvements qu'avant. Mm-hmm. Parce que l'alcool, je ne crois pas qu'un enfant peut consommer excessivement de l'alcool dans sa maison. Mm-hmm. Il doit sortir, il mm-hmm. doit quitter sa maison parentale. Surtout regarder les va-et-vient de son enfant. Oui, regarder les va-et-vient de son enfant. Les amis. Les amis, oui. Mm-hmm. Et aussi, il avait déjà évoqué le cas de comportement. Mm-hmm. Il faut observer ses comportements. Voir s'il réussit comme avant à l'école, mm-hmm. s'il est sage comme il était, ou bien, donc, il y a des gens quand ils ont consommé de l'alcool qui deviennent complètement muets, mm-hmm. qui ne parlent plus. Donc, mm-hmm. La sagesse, ça dépend. Mm-hmm. Donc, parlons seulement de changement de comportement. Mm-hmm. Oui. Et quelles sont les conséquences que vous avez déjà remarquées quand il y a une consommation excessive de l'alcool? Il y a trop de conséquences. Mm-hmm. Il y a trop de conséquences. Je ne sais pas que je peux les énumérer mm-hmm. toutes, mm-hmm. mais quand même. Sous la santé, mm-hmm. il y a diabète, il y a hypertension, Le plus souvent, par rapport à ces maladies que vous êtes en train d'évoquer, ce sont des maladies qui apparaissent avec l'âge. Mm-hmm. mais on se trompe. Mm-hmm. On se trompe parce que, moi j'aime le dire aux gens que je croise souvent, surtout dans ce domaine, mm-hmm. parce que je leur dis que nos parents, mm-hmm. ils ont commencé à consommer de l'alcool au degré de nous, mm-hmm. jeunes, actuels, mm-hmm. quand ils étaient grands, mm-hmm. majeurs. Mm-hmm. Parce que, par exemple, ton père, mm-hmm. ou bien mon père. Mm-hmm. Je ne crois pas qu'il a commencé à consommer de l'alcool à 13 ans. Mm-hmm. Ce n'était pas possible. Mm-hmm. Il ne pouvait pas avoir plus que 2 verres mm-hmm. lorsqu'à la maison, ils avaient fait guagua. Mm-hmm. Mais actuellement, un enfant de 13 ans peut s'acheter 5 primus. Mm-hmm. Et c'est pas interdit. Mm-hmm. Donc, ça n'apparaît pas avec l'âge. Ça apparaît avec l'âge parce que nos parents, ils ont commencé à consommer de l'alcool étant majeurs, mm-hmm. étant grands. Mm-hmm. Mais actuellement, lorsqu'on commence à bas âge, on va devenir malade. Donc, on va tomber malade, on va attraper ces maladies. En tout cas, pas à l'âge de nos parents. Mm-hmm. Ouais. À part la santé. À part la santé, qui peuvent être. Oui, à part mm-hmm. la santé, il y a les conséquences sur le point sécuritaire. Mm-hmm. Donc, lorsqu'on a bu, on a trop bu, on n'est plus responsable de soi-même. Donc, il y a. Bon, ces jeunes qui peuvent avoir beaucoup d'argent pour s'acheter du boisson. Ils ont peut-être aussi des voitures, ils peuvent conduire des voitures, ils peuvent avoir des accidents, ils peuvent insulter une personne qu'ils ne devaient pas insulter, donc, et bonjour la prison. Mm-hmm. Ils peuvent tomber même étant en marche. Mm-hmm. Donc, sur le point économique, ils dépensent trop d'argent qu'ils pouvaient épargner ou faire autre chose. Mm-hmm. Quand même, qui pouvaient apporter quelque chose de mieux, de bien dans leur vie quotidienne. Donc, sur le point, ils peuvent attraper des maladies, mm-hmm. surtout, on parle souvent de VIH. Mm-hmm. Ouais, ça peut aussi arriver parce que vous le savez vous-même, lorsqu'on a trop bu, il y a on n'arrive plus à se contrôler. Oui, non, en fait ça stimule. Donc ce qui était caché à l'intérieur d'une personne, la vraie nature. Oui, la vraie nature mm-hmm. peut sortir oui. Et on peut agir parce qu'on a bu, alors qu'avant on ne pouvait pas parler. Donc la timidité, c'est à côté. Oui, c'est à côté. Mm-hmm. Yves, oui. Quelles sont les conséquences à une consommation excessive de l'alcool? Ouais, les conséquences ne peuvent pas manquer. Par exemple, comme je viens de le dire, des accidents qui s'observent ici et là, ou bien ou arriver des cas où on ne peut plus se contrôler, alors que étant sobre, on pouvait se contrôler, être responsable de soi-même, etc. Et bien d'autres situations qui peuvent surgir, du moins des situations inimaginables qu'on ne pouvait pas imaginer à telle personne, et voilà, ça s'observe, etc. Et à propos aussi de notre santé qui va aussi en péril à cause de la consommation excessive de l'alcool, etc. Mm-hmm. Oui. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes en train de suivre l'émission Forum Jeunes. On est en train de parler de la relation qu'il y a entre l'alcool et les jeunes en période de fin, de fête, de fin d'année, une transition, et on continue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Divine Tuyiseng est commissaire adjoint chargée de la communication au sein de l'association des guides. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est face à une personne qui a consommé beaucoup d'alcool? Tu as déjà remarqué, il a trop bu. Quel comportement a adopté face à lui? Si c'est un soutien, comment tu peux lui venir en aide? Premièrement, mm-hmm. Quand il a trop bu, c'est pas le moment de l'insulter, de lui faire des remarques, mm-hmm. parce que j'ai déjà dit qu'il n'est plus maître de lui-même. Mm-hmm. Donc, il faut essayer de protéger cette personne en la faisant rentrer à la maison. Mm-hmm. Et après, peut-être le lendemain, il faut essayer de faire une sensibilisation, donc lui dire que c'était pas bien. Il faut essayer de quand même, il faut retarder l'effet, parce que puisqu'il n'est plus maître de lui-même, il faut pas réagir directement. Il faut pas réagir directement, mm-hmm. parce qu'il peut aussi être violente. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Yves, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es face à une personne qui a consommé excessivement de l'alcool? Tout d'abord, il faut entrer dans son jeu. Parce que, comme elle vient de le dire, elle est incontrôlable. Mm-hmm. entrer dans son jeu, comment dire, c'est que lui, il s'imagine dans un autre monde. Mm-hmm. Et toi aussi, quand tu es à sa présence, il faut essayer de lui montrer que tu es avec elle, mm-hmm. Même dans ce qu'il fait. Mais tout d'abord, il faut que toi aussi, tu ne sois pas, disons, à l'excès de ce qu'il mm-hmm. est en train de faire. Mm-hmm. Donc, si il veut faire des choses que toi-même, quand tu es sobre, tu ne peux pas faire, c'est essayer de le raisonner et de le raisonner pas comme il vient de le dire, mais mm-hmm. le raisonner dans le fait que tu es dans son jeu, mais tu lui montres que il y a quelque chose de mauvais par rapport à ce qu'il est en train de faire dans ce cas-là. Et aussi essayer de lui apporter l'aide l'aide nécessaire pour que peut-être après cet incident-là, qu'il est ivre ou bien après, le lendemain, faire carte sur table et lui montrer, disons, ce qu'il a fait comme ça, peut-être le raisonner pour qu'il ne puisse plus retourner dans cette excessivité de la consommation de l'alcool. Mm-hmm. Voilà. À cet avis, on pourrait pas faire... Il y a une petite nuance que vous pourriez dégager mm-hmm. entre l'alcoolisme. Mm-hmm. Donc, là, on parle d'une personne qui boit excessivement mm-hmm. à une occasion. Oui. Mais quand il est alcoolique, mm-hmm. comment quand on va réagir? Quand il est alcoolique, alors, dans ce cas-là, mm-hmm. dans ce cas-là, tout d'abord, déjà, c'est comme je l'avais dit, c'est déjà une expérience vécue. C'est que c'est que dans cet état-là d'alcoolisme qu'il est, mm-hmm. c'est que lui dire qu'il doit cesser de consommer beaucoup arrêter directement c'est, mm-hmm. c'est vraiment quelque chose qui est difficile d'abord pour toi, pour déjà lui faire arrêter de consommer beaucoup d'alcool, mm-hmm. mais c'est une étape. Mm-hmm. C'est une étape, c'est pas quelque chose qui vient comme ça directement et que tu dois appliquer. C'est que tout d'abord, il faut lui montrer qu'il y a des conséquences. Mm-hmm. Peut-être que lui, il sait déjà les conséquences derrière sa consommation excessive d'alcool. Ce qu'il faut faire alors dans ce cas, c'est que là, dans ce temps-là, c'est qu'il faut, mm-hmm. le terme adéquat m'échappe. Mm-hmm. C'est essayer de quand même lui conseiller de, disons, de diminuer. Par exemple, s'il prenne hamster ou bien commencer à diminuer la consommation, par exemple prends 6 ou bien 5, mm-hmm. peut-être que par après il va arrêter, ou bien les autres arrêtent quand ils voient déjà les conséquences se manifester sur eux-mêmes, mm-hmm. c'est mm-hmm. là où alors là ça sera trop tard. Mm-hmm. Divine, un alcoolique, est-ce qu'il faut essayer de le comprendre pour l'aider à diminuer sa consommation, voire arrêter l'alcool? Il faut essayer de comprendre son parcours. C'est un des moyens pour lui donner un soutien. En fait, pour répondre à cette question, mm-hmm. Ça me paraît un peu difficile parce que moi, j'ai appris à l'école, donc... je fais la psychologie, donc mm-hmm. je sais que l'alcoolisme, mm-hmm. ça se traite mm-hmm. avec un psychologue, donc mm-hmm. C'est déjà un soutien. Oui. Donc chercher quelqu'un mieux calé dans la matière pour réorienter l'alcoolique. Oui. Mm-hmm. Parce que ça se règle pas très facilement. Mm-hmm. C'est pas facile à régler. Il y a des étapes. Il y a des étapes, mm-hmm. oui. Et pour ne pas être brutal avec la personne, il faudrait chercher quelqu'un qui est spécialisé en la matière. Mm-hmm. Oui. Quant à notre sujet, quel message pourriez-vous lancer à l'endroit des jeunes qui sont en train de préparer les fêtes et à l'endroit des parents? À l'endroit des jeunes, tout d'abord, je dirais que la fête n'est pas seulement faite par l'alcool, la mm-hmm. consommation de l'alcool. On peut consommer du jus, on peut consommer peu d'alcool mm-hmm. et être heureux. Mm-hmm. Il va rigoler, je ne sais pas pourquoi. Bon, quand j'ai parlé du jus, j'ai vu que ça ne t'a pas beaucoup plu, mais quand même, laisse-moi te dire que on peut faire la fête avec autre chose que de l'alcool ou un peu d'alcool et s'amuser autrement. Et aux parents, je dirais que donc l'amour de l'enfant, l'amour de son enfant existe par nature, existe déjà. Donc il faut essayer de prendre soin d'eux. Oui, donc ne pas acheter l'amour par l'argent, ne pas donner de l'argent parce qu'on n'a pas de temps donc à passer avec l'enfant. Il faut lui donner de l'argent pour qu'il ne manque de rien. Non, ça c'est l'échappatoire, c'est la fuite, c'est fuir ses responsabilités. Il faut essayer d'être avec ses enfants pendant ces jours de fête, essayer de faire différentes choses pour faire la fête, mais ne pas consommer trop d'alcool. Yves, votre contribution à l'endroit des jeunes et des parents? Oui, tout d'abord, les jeunes qui nous écoutent, s'ils auront une occasion de faire la fête, allez-y, faites la fête. Mais sinon, soyons responsables parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain. Disons responsable dans le sens où, bien sûr, il y aura de l'alcool, il y aura une rencontre entre vous, mais soyez responsable, contrôlez-vous. Et à l'endroit des parents, comme elle vient de le dire, Divine, c'est que les parents vont donner de l'argent en disant allez, faites la fête avec vos amis, mais s'il vous plaît, les parents, aussi amenez vos enfants. Si vous allez dans quelque part entre vous, si vous avez des enfants, partez avec et amusez-vous bien parce que de telles occasions sont rares, parce que les parents sont occupés avec le travail et aussi les rencontres entre les parents, surtout le soir, et oublier les rencontres entre parents et enfants ensemble. Donc, si cette occasion-là s'offre, donc, amenez aussi vos enfants et faites la fête avec. Et aussi, peut-être leur montrer ou bien leur conseiller à propos aussi de ce que nous venons de parler sur la consommation d'alcool. Yves Nisabgué, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi, c'était un plaisir. Divine Tuiseng, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. À la présentation de cette émission, vous étiez avec Alida Ndaikeza. François Kimana assurait la mise en onde. On se retrouve lundi prochain. Bonsoir.